Pour toi, c'est quoi la frontière entre le rap game et le rap conscient? Toi, t'habites à côté d'une piscine avec des homers et des filles en slip. Avec du billet que tu m'avances comme ça. L'apologie des biatchs, l'apologie de l'oseille, des gangs, des flingues, du crime et, et surtout l'apologie de la connerie. C'est consternant. Mais par contre, la misère sociale des quartiers dans lesquels on a grandi, celle-là, tu la connais. Les mères toutes seules avec plusieurs gamins qui galèrent pour les élever, ça, tu le connais. Je rêve d'une vie simple, moi, loin du précipice de la vie d'artiste. Pris pour les miens, les nôtres, en psychiatrie, le visage triste. L'erreur humaine ne se répare pas qu'avec des jolis mots. Les souvenirs fans au fil du temps, comme les pétales d'un coquelicot. Crame la résine, plus rien me résonne. Y'a que quand je rate, je résume. Que j'avoue mes fautes, je parle mes défauts ou des gens que j'ai déçus. On tourne en ronde, on doit remonter à la source. Tous entassés dans la tour, mais on sent seul comme c'est la sous. Hier, j'ai côtoyé la mort à plus de 2 grammes dans le 600 lignes. Fini, je veux pas que ma fille fleurisse ma tombe de bouquet de pissenlit. On vit dans le vice, envie de s'enfuir, ça sert à R comme de prier sans foi. Étouffe tes dettes, car tout se répète comme dans un jour sans fin. Frère, y'a peu d'amour sans faille, fonce tous vers la mort sans frein. La Jura sort les enceintes, j'ai que la santé, c'est l'essentiel. J'ai cramé plus de sincère, j'donnais le bon Dieu sans confession. Ce qui fait ressortir mon côté sombre, c'est d'imaginer le monde sans zèle. J'ai prié dans l'espoir de voir la haine s'égarer. J'ai vu mes rêves s'évaporer comme la fumée de cigarette. J'compte plus mes hématomes, les sacrifices, les ratés. J'ai la musique dans la poche, me scarifie et rappé. J'ai prié dans l'espoir de voir la haine s'égarer. J'ai vu mes rêves s'évaporer comme la fumée de cigarette. J'compte plus mes hématomes, les sacrifices, les ratés. J'gratte des rimes, des métaphores, chaque année c'est pareil. Les yeux reflètent l'âme, tu vois en moi comme de l'eau minérale. Au milieu des rails, y'a pas d'homme idéal. Que des mâmes qui dérapent, des condés qui déraillent. Une fois que la coque est prise, grosse traîtrise. Comme la France qui se la joue protectrice. Ici le seum ne se fait pas rare, j'suis seul et t'es pas là. Le bonheur tombe pas du ciel comme un para. J'ai fait mes bagages, trop de zones dans les parages. Épargne-moi tes bobards, la pupille écarlate. Resserre un verre mon pote, personne ne meurt avec zéro faute. J'écris pour moi, pas pour plaire aux autres. J'rêvais de billets violets, demande de lunettes quartier. J'ai vrillé, j'ai tout lâché, j'ai fait ma vie loin du quartier. Loin des vices et des tours, des flics et des douches. J'm'éclipse mais j'écris des rimes, des bouts de texte pour former des 12. Mais écoute mec, on aggrave, j'échange. Plus rien à foutre du regard des gens. J'rêve de me barrer de la région, que ma famille soit fière de WAM. Faire ma vie sans faire de vagues. Non, j'suis plus en quête de gloire. Des fois j'rallume les presses le soir. Parfois j'dérape, mais j'suis qu'un homme, j'suis pas mieux qu'un autre. Parfois j'dérape, mais j'suis qu'un homme, j'suis pas mieux qu'un autre. J'ai prié dans l'espoir de voir la haine s'égarer. J'ai vu mes rêves s'évaporer comme la fumée de cigarette. J'compte plus mes hématomes, les sacrifices, les ratés. J'ai la musique dans la peau, j'me scarifie et rappé. J'ai prié dans l'espoir de voir la haine s'égarer. J'ai vu mes rêves s'évaporer comme la fumée de cigarette. J'compte plus mes hématomes, les sacrifices, les ratés. J'gratte des rimes, des métaphores, chaque année c'est pareil. Comme la fumée de cigarette. J'compte plus mes hématomes, les sacrifices, les ratés. J'ai la musique dans la peau, je me scarifie et rappé. J'ai prié dans l'espoir de voir la haine s'égarer. J'ai vu mes rêves s'évaporer comme la fumée de cigarette. J'compte plus mes hématomes, les sacrifices, les ratés. J'ai la musique dans la peau, je me scarifie et rappé.